Moi et la zik, rien ne peut empêcher qu'on s'entende. Et quand je lui donne ça, y'a pas de problème, elle est consentante en fait. Et c'est mieux que quiconque ce que j'ai derrière la tête. C'est à peine que j'y pense qu'elle me jette le bout de latex. Je glisse sous la couette, c'est elle qui me pousse à la faute, non. Fais pas l'innocent, t'en aurais fait autant. Perché sur la scène, tu lâches une instru, je la scène. C'est automatique, même si les micros l'arsènent. Suffit d'un son de basse pour m'irriser les poils. Ou d'une poignée d'albums pour mettre les voiles. Tu vois, la vie qu'on menait mal assez. Comme la musique adoucit les mœurs, c'est dans mon sampleur que j'ai pris racine. Plus au chromie je suis passé. Et comme ça a brisé des cœurs, sans cachette que je tâtais les platines. J'ai le feu qui fait kiffer les stars-là et les petites zoulettes. Quand je suis sur scène dans mon survêt plein de trous de boulettes. Pas besoin de se la raconter, pas besoin de jouer les gangsters. Et pour l'inspiration, seul notre vécu fera la terre. J'ai le feu qui fait kiffer les stars-là et les petites zoulettes. Quand je suis sur scène dans mon survêt plein de trous de boulettes. Pas besoin de se la raconter, pas besoin de jouer les gangsters. Et pour l'inspiration, seul notre vécu fera la terre. À mes concerts, pas besoin que les balles fusent pour foutre le feu. Juste une instru, un chromie et des bêtes de face. Sois pas surpris pour si peu, on est dans le peurat jusqu'au cou. Donc s'il y a moyen de se chier là, ce serait chelou qu'on manque l'occasion. Paraît que ça choque les gens, les belles paroles sorties de la bouche d'une racaille. Mais si le ghetto se lève quand on tape un freestyle, c'est qu'on sait faire leur malheur, remettre les pendules à l'heure et parler aux parleurs, révéler nos vraies valeurs. Ouais, trop ils ont voulu nous faire passer pour des cons. Ça les gênerait pas de nous voir jeter l'éponge et dormir sous les ponts. Mais on préfère remplir des pages et des pages. Et depuis des piges et des piges, on stocke l'énergie qu'on dégage. On a la haine comme une flic au cul envers tous ceux qui ont voté pour nous mettre les flics au cul. Mec, celui qui nous cloue le bec, il est pas venu au monde. Et toi-même, tu sais que c'est pas pour le succès quand on monte sur scène comme une horde de loups. Synchro, juste un micro, la bouche ouverte et ils sont tous debout. Tous fous, tiennent au bord du gouffre. Haroun, fin peu pour vous mettre hors de vous. J'ai le feu qui fait kiffer les stars là et les petites zoulettes. Quand je suis sur scène dans mon survêt plein de trous de boulettes. Pas besoin de se la raconter, pas besoin de jouer les gangsters. Et pour l'inspiration, seul notre vécu fera la terre. J'ai le feu qui fait kiffer les stars là et les petites zoulettes. Quand je suis sur scène dans mon survêt plein de trous de boulettes. Pas besoin de se la raconter, pas besoin de jouer les gangsters. Et pour l'inspiration, seul notre vécu fera la terre. Je crois que tu niques tout, mais t'es qu'une toupie, une grosse groupie. Mon rap est au front pendant que le tien roupie. Si t'étais dans mon crew, on t'appellerait Snoopy. Et en studio, tu serais toujours dans un coin accroupi. Vu que tu n'as plus que pour but de te battre les records devant moi. Qui t'a bouffé des pâtés à ce que mon album se plante. J'ai choisi mon camp, baisser mon futal, pas question. Je serai dans la tendance quand elle sera dans la bonne direction. Et me considérer même plus dans ce biz. J'suis pas dans la compète, j'm'en bête en fait. J'ai les gros mais ne confond pas faim et gourmandise. Ah, chacun son concept, j'm'en bête en fait. Moi, j'ai le flow qui fait kiffer les stars. Là et les petites zoulettes. Quand je suis sur scène dans mon survêt plein de trous de boulettes. Pas besoin de se la raconter, pas besoin de jouer les gangsters. Et pour l'inspiration, seul notre vécu fera la terre. J'ai le feu qui fait kiffer les stars là et les petites zoulettes. Quand je suis sur scène dans mon survêt plein de trous de boulettes. Pas besoin de se la raconter, pas besoin de jouer les gangsters. Et pour l'inspiration, seul notre vécu fera la terre. J'ai le feu qui fait kiffer les stars là et les petites zoulettes. Quand je suis sur scène dans mon survêt plein de trous de boulettes. Pas besoin de se la raconter, pas besoin de jouer les gangsters. Et pour l'inspiration, seul notre vécu fera la terre. J'ai le feu qui fait kiffer les stars là et les petites zoulettes. Quand je suis sur scène dans mon survêt plein de trous de boulettes. Et ça me suffit honnêtement. Et ouais.